Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit DJ Amida. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, DJ Amida, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti, passez une bonne soirée sur Skyrock. DJ Amida est là. On est là, la famille. Après ce grand mariage hier soir. Hier, on t'a rendu ouf. C'est incroyable hier soir. C'était Planète Chabi hier, c'était pas Planète Rap. Les images sont d'ailleurs dispo. Si vous voulez mater, revivre ce moment hier soir, si vous n'étiez pas là, allez cliquer. J'ai DJ Amida. Beaucoup de retours par rapport à ça. Sur le planetrap.skyrock.com, sur le skyrock.fm. Comment ça va ce soir? Très très bien. En pleine forme? En pleine forme, tout se passe bien, la mix party. Ouais, magnifique. Et là en plus avec le temps, c'est vrai que c'est. Ouais, c'est, donc c'est... J'ai reçu que des snaps. Continuez à envoyer vos snaps, la famille. J'ai reçu beaucoup de snaps aujourd'hui. En mode, on est sur Paname avec le CD, il faisait beau, donc voilà. Et bah continue on a tous les ingrédients pour l'écouter. Et continue aussi à balancer des photos parce que je crois que ça, ouais. Les gens repartent avec des cadeaux chaque soir. C'est ça, j'ai déjà des gagnants là, il faut que j'ouvre mon mail et tout à l'heure je vous citerai les gagnants du truc. Bon, donc voilà. On essaiera d'y penser. Nickel. Dans l'ambiance festive de cette mix party. Et des invités encore ce soir aussi. Des invités, ouais, des invités de marque. Tu veux qu'on passe autour de toi, on attaque quoi. Ouais, on va commencer par les dames. Ah bah, bien, pour une fois. C'est bien. Pour une fois. Donc à ma droite, on a Siana. Siana. Yes, bonsoir. Siana de retour après la semaine dernière avec Youssoupha. Ouais. Elle est de retour avec DJ Amida. Ouais. En même temps, elle est présente partout. Siana, ça veut dire qu'il y a du talent alors. Ça veut dire qu'il y a un sacré talent derrière. Ouais. Merci à Hamida aussi de m'avoir invité sur la campagne. Pas de problème, avec plaisir, je t'ai obligé. Bon, tout va bien. Ouais, nickel. Depuis la semaine dernière. Ouais, tout va bien. Il s'est passé quoi? Quelques concerts entre temps Pas encore, ça arrive. Les festivals et tout, ça arrive. On prépare ça. Et allez la voir sur scène. Je sais pas si vous avez vu Siana, je sais pas si t'as vu. J'ai vu en vidéo, elle fait la première partie de Soprano, magnifique. Lourd. Ah bah ouais, loupez pas. Loupez pas si elle est près de chez vous. Donc Siana, bienvenue à toi. Merci. Voilà. Continuons le tour de table avec. Ensuite, on a Mademoiselle Charlie Belle. Charlie Belle est là avec nous. C'est ça. Bonsoir, comment ça va? Bah et toi? Très bien. Je pensais que tu étais parti avec toute l'équipe du Wattimé. Ils sont tous. Ils sont en retard. Ils seraient partis à Tahiti ou je sais pas quoi, je les ai pas vus tous. Ah oui, non, moi j'ai été puni. Mais bon, c'est pas grave. Elle reste en mode promo, tu vois ce que je veux dire ou quoi là, c'est sympa, regarde, elle a préféré rester avec toi. Je rien que pour toi. T'imagines? Ouais. Quelle classe quand même. C'est vrai. Charlie, quelles sont les nouvelles? Bah écoute, on est là. Moi je suis en train de travailler sur mon album. Et puis voilà. Doux, je suis en concert dimanche. Toi, t'es en concert dimanche à Vitry, ouais, même avec Aïna. Je crois qu'elle sera là-bas, Aïna aussi. Salle de Vitry. Donc voilà. Et bah, très bien. Ouais. Bienvenue dans ce Planet Rap de la Mix Party. C'est ça. Et à ma gauche. Et bah, le petit talent du sud de la France. Ouais, merci, c'est gentil, Hamida. Mani. Ça va, Mani? En forme? Bien, attends, hop. Donc, Mani fait partie de la même écurie que Siana. Ouais. Yes. Donc, voilà. Bah, présente-toi un petit peu, Mani. Tiens, un petit CV express de Mani. En fait, mon nom d'artiste, c'est Mani. J'ai 21 ans et je viens à peine de débuter le rap. Donc j'étais connu par rapport à des freestyle Facebook. Et Seven et moi m'ont repéré. Donc maintenant on va essayer de faire carrière. Bon, et puis t'as une grande sœur, enfin voilà. En même temps. Elle me soutient, elle est là. Elle est là pour petite. Moi. Ah oui, t'es plus jeune. Ouais, mais oui, t'es plus jeune toi. Ouais, j'ai que 20 ans. Mais oui, c'est vrai, t'as 20 piges. Ouais. Bon, bah, non, mais on est ensemble. Talentueux aussi le garçon. Ouais, très talentueux. Merci. Et il est présent sur Mix Party. Voilà, avec Siana. Avec plaisir. Sur avec le même Siana. Son, ouais. Sur le même son, on pourra découvrir le morceau. Soit en live, soit. Live. Yes. Ouais, a priori, ça va partir pour du live. C'est parti. Bon, on débute avec le morceau de Camero. On est sur Paname. On est sur Paname. C'est parti, coup d'envoi de ce Planet Rap. DJ Hamida. C'est sur Skyrock. DJ Hamida. Mix Party 2015. Depuis des mois ça parle sur moi. DJ Hamida, DJ Hamida. Sans me connaître tu parles de moi. Camo. Je vois ces gens sauter devant moi. Danser dans le noir sur un son à moi. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. Je refais jouer les plus belles women. Mon cœur qui s'emballe. Des bois, des chichas remplis de vandales. Je joue le blindé, ennemi à côté, gamos de taré. Bienvenue sur Paname. On détourne ta femme sans état d'âme. On est sur Paname. Si t'as pas dosé, c'est un scandale. Ici c'est normal de claquer sa paye dans des Jordan. De la tête aux pieds, les gars sont soignés, rasés, contournés. Welcome to Paname. Pas de mesdemoiselles, que des mesdames. On est sur Paname. sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. La ville où la folie se pavane. Même la capitale te dira que la banlieue fait son charme. Si tu te fais caler, ne sois pas fâché, y'a d'autres soirées. Bienvenue sur Panam, là où les vidanges jouent les vandames. On est sur Panam, la différence est notre plus belle âme. S'il y a du vacarme, c'est que j'envoie de la musique en rafale. Ils me détestaient, je les ai ambiancés, ils m'ont validé. Viens donc sur Panam, où la colle c'est de l'eau man. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. DJ Amida avec Camro, c'est extrait de Mix Party 2015. À l'instant, voilà. Autre arrivée également dans le studio de Planète Rap. De l'arrivée de Sultan ici parmi nous. Sultan est là avec nous. Comment ça va, Sultan? Tranquille, et toi? En pleine forme? Ouais, toujours. Tout va bien? Ça va au top. Bah, bienvenue dans ce Planète Rap et la Mix Party DJ Amida. Ouais. On est venu soutenir le projet du frérot. Un petit mot sur ton morceau, sur le morceau de la Le frérot, partie. Il m'a invité sur le premier à la base, sur l'album d'avant. Je ne l'ai pas fait parce que, en fait, j'avais posé sur le projet d'un concurrent direct. Non. Et là, c'est le contraire. Il n'y a pas de concurrence directe. Qu'on se le dise, il y en a. Mais tranquille, c'est dans un bon esprit, tu vois. Mais comme j'avais posé sur un projet, on va dire, tu vois, similaire. Donc Donc tu as été rayé de la liste. Ah non, vraiment pas. C'est lui qui s'est auto-rayé de la liste. Non, je me suis dit, tu vois, je voulais pas être sur tous les projets. En même temps, c'est bien. J'en fais ça bien aussi. Et là, cette année, j'ai fait son projet, j'ai pas fait l'autre projet. Oh merde. Donc voilà, tranquille. Je suis réglo, on va dire. C'est le projet de Case dont tu parles. Ouais, c'est ça. Mais c'est la famille. Hein, c'est la famille, il n'y a pas d'histoire, rien, mais voilà. Je voulais le dire quand même. Non, mais après, voilà, je suppose que même si tu dis qu'il n'y a pas de concurrence, c'est forcément un peu une compétition, c'est normal. Non, même pas. Mais une compétition. On est vraiment soudés. On s'entend super bien, moi et lui. Non, il n'y a pas de. Il y a juste des petits suceurs autour de lui qui font les groupies, mais vraiment, ça se passe bien, moi et lui. Je m'entends super bien avec lui. En règle générale, c'est ça. Hein. Quand il y a deux mecs, il y a toujours les mecs autour de lui qui font. Après, en plus, je trouve que c'est aussi important, même pour cette musique, pour la musique que vous défendez aussi depuis un moment, c'est que ça t'empêche pas de tourner. Non, au contraire, on se file les dates, moi et lui. Et je pense que je pense que ça donne. Lui, quand il a un plan pour moi, il m'appelle, moi je l'appelle, pareil. Donc voilà, c'est. C'est bon enfant. C'est plutôt une bonne, une saine compétition, c'est en tout cas, s'il doit y avoir compétition. Voilà. Bon, Sultan, toi, tu bosses aussi, là, sérieusement? Ouais, l'album. Hein. Mm-hmm. Sur la fin, là, voilà. Tranquille. On en dira plus le moment venu. Non, c'est grosso modo sans pour autant rentrer dans les détails. C'est qu'en fin de l'année, avant la fin de l'année. Ouais, on va dire rentrée 2015. Rentrée 2015. Ouais. Avec des morceaux qui vont arriver au fur et à mesure. Exactement. Et puis en attendant donc sur la mix party, c'est ce qu'on disait. Ouais. À découvrir avec. Bah tiens, tu connais Yassiana qui est là, Charlie Bell. Est-ce que tu connais Mani aussi? Non, je découvre dans le projet là. T'as écouté un peu ce qu'il fait? Non. Et bah tu vas pouvoir découvrir en live parce qu'il y aura du live aussi tout à l'heure. Okay. Mani qui fait partie de la même écurie que Sienna aussi. Ok, d'accord. Et qu'on pourra découvrir en live dans l'émission. Vous balancez avec vos messages DJ Amida sur Skyrock. On part sur quel morceau de la mix party? Niro. Ouais, Niro, j'ai eu de très très bons retours. Depuis hier, ça n'arrête pas de me lâcher des snaps et sur Twitter et tout, qu'ils ont bien kiffé ce morceau. Donc je me suis dit, on va le balancer. Et bah allons-y, c'est parti, coup d'envoi. Merci. Morceau de Niro sur Niro. Mix Party 2015. Ouais. Jamida. Panam jusqu'à Darbeda, ou quoi après l'argent, la paire d'Adidas, c'est pas j'dida. Faut les euros pour la mif, demande Ahmida. C'est pour la vie, mais faut la villa pour Walida. Juste 1 million d'euros cash, mamma mia. J'arrête le rap, la pia, v'la ria. Toi là, t'es plein de chichis comme une biatch. Wawa, tu parles pour y'a qu'on d'alia. Parcours fatigant, concert à droite à gauche. Mais narco, trafiquant, reconnu mon argot. Agon, on parle de l'Iran partout dans l'hexagone. Continue de chercher ta go pendant que je vais chercher le magot. Prototype efficace, j'mène la vie d'artiste. Photoclip dédicace, Hiro de la Luna. J'attends la prochaine éclipse. Wesh Niro, est-ce que t'as baisé les meufs de tes clips? J'préfère palper un gros bif que palper un gros tarfé. J'veux la fortune à Jay-Z, peut garder sa tasse. Mais ben t'es vulgaire, nous on sait pas faire dans l'aspect. Qui veut la guerre se prépare à reposer en paix. Pour entrer avec elle, faut les lova lova. Gros si t'as envie de qu'elle, faut les lova lova. Normal, elle veut pas se faire accoler par des crevards. Normal, si elle s'est fait lever par mes sauvages. Wow. Niro à l'instant qui est présent, donc ça fait du bien d'ailleurs aussi d'écouter Niro sur ce dans un autre style de musique, sur ce genre de sonorité à l'instant. Ouais. Non, c'était super, c'est super bien passé en studio, j'ai bien rigolé avec lui. Très bon humain. C'est bien enfumé aussi, je suppose. De aussi. Ouf. Ça fait bien enfumé. Street lourd. Très très lourd. Bon, salut Niro aussi, qui est pareil, je crois. Il est en mode clip là. Il est en mode clip. Et donc ce morceau qu'on retrouve sur le projet Mix Party 2015, je vais vous faire un petit tour de table aussi, en profiter avec Sienna, avec Charlie Bell. La rencontre avec Amida, et puis un petit mot aussi sur votre morceau, chacun. C'est bien aussi d'aller sur des sonorités un petit peu comme ça. Ouais, moi c'est la première fois que je pose sur un projet comme ça. En plus, j'ai pas trop l'habitude, honnêtement, d'écouter ce genre de trucs, mais je me suis bien amusée. Bon, tu nous avais fait Sienna Revica quand même. Ouais, mais c'est pas tout ça, à fait pareil. Ça c'était gros, pareil. Hein. C'était magnifique. Merci. C'est pas tout à fait pareil, mais en tout cas, c'est cool. On a fait un bon morceau, moi j'aime bien comment ça rend, et ça fait plaisir, comme j'ai dit tout à l'heure. Toi, tu l'avais entendu comment, Sienna? Sienna Revica. Ah, c'était juste celui-ci, ouais. Je suis parti sur Twitter, vas-y, viens, toi. Tu poses ma gueule. Non, et après, quand la musique était gérée par Seven, un très bon ami à moi, c'était encore mieux. C'est encore plus simple. Ouais, quand tu travailles en famille, c'est encore mieux. Ouais. Et toi aussi, tu l'as découvert avec, avec ce freestyle, enfin ce morceau clippé d'ailleurs. Ouais, le fameux Sienna Revica. Grave. Qui est présent d'ailleurs sur ton projet aussi. Ouais, hein. Sur le EP, il est disponible sur le EP, ouais. Sienna. Voilà. Sienna, le EP Sienna, allez vous le procurer, vous allez retrouver tout l'univers aussi de Sienna. Avant pareil, un nouvel album, un premier album. Je suis en plein dedans, ouais, ça se passe super bien. C'est vrai? Ça va être très très lourd, ouais. Ouais. Toi, c'est plutôt. T'as une vision sur la sortie? Fin de l'année, début de l'année prochaine. Ok. Pour le moment, j'ai pas de date exacte, mais. C'est dans ces eaux-là. Génial. Qu'est-ce qui se passe tout le temps? Non, il y a des images bizarres dans ton studio, Fred. Ah. On dirait Greg de Def Jam. Vous connaissez ou pas? Yes. Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça induit ce genre de choses? Ah ouais. Ah, il est pas venu ce soir, je comprends. C'est la fin des temps là. Ça y est. Ah ouais, ben on reçoit des jolies photos. Il y a que toi qui a remarqué. Hein, c'est des yaks en fait qu'on reçoit, c'est ça. Une question qui s'appelle yaks, on reçoit des photos ici Skyrock, des yaks. Hein. Vous pouvez yakser en permanence. N'hésitez pas et nous envoyer des photos de votre salle de bain comme celle qu'on reçoit en ce moment. Sultan, t'as déjà fait ça ou pas? Non, jamais de la vie. Je ne suis pas un exhibitionniste. Il n'y a pas des dossiers comme ça qui peuvent. Non, tout va bien. Jamais moi, tout va bien. Je sais que t'es un mec très sérieux sur le ton. Connu pour ça d'ailleurs. Ça veut dire quoi? Mais non, je ne m'en moque pas. Non, je suis très sérieux. Très, très sérieux. Quelqu'un de très, très sérieux. Bon, j'en étais où? J'en étais à Sienna. Ouais, Charlie, pareil. Petite, un peu même question pour la rencontre avec elle. Moi, en fait, à la base, je cherchais des prods pour mon projet. et on m'a parlé de Hamida. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ensuite, je suis venue en studio, il m'a parlé de sa compile. Et puis quand je suis venue, il y avait Sultan qui avait, qui avait posé sa partie. Il m'a dit « Ah, on voit bien une fille dessus, tout ça ». Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, voilà, tout simplement. Et puis voilà, c'est Charlie Bell qui arrive. C'est ça. Toi, tu l'avais entendu depuis un bon petit moment, ouais, je suppose aussi. Ouais, depuis le son avec Maître Gims, que je jouais beaucoup en discothèque. Franchement, il est lourd, enfin. Ça, c'est des sons comme ça que tu testes parfois, que tu, ouais, dans celui-là, tu vois tout de suite la réaction des gens. Ouais. C'était 2013, c'est ça? Ouais, c'était à deux ans. 2013, ouais. Je jouais, ouais, c'était magnifique. Qu'est-ce qu'il y a par exemple, tiens, en ce moment, toi qui fais beaucoup de soirées, quels sont les sons inévitables des soirées en ce moment, Amir? En français? Hormis la mix party. Hein. Ouais. En français, tu parles? Ouais, en français plutôt, ouais. En français, il y a Jules, La Crime, Sopra, il y a quoi d'autre encore? L'artiste aussi. Donc, ça, c'est les sons, ouais, ça pète quand tu les balances. C'est la guerre. C'est la archi-guerre. Voilà. Ah, c'est pour les mecs qui sortent le CBR, tu vois. L'amiral vient de faire son arrivée. Il vient de sortir le CBR parce qu'il fait chaud. Tu vois, il a mis le bob. Monsieur Dry est là aussi avec nous. Derry Greg. Yeah. Tu te sens mieux, Charlie, d'un seul coup? Ah, ça va mieux, là. Je me sens rassuré. T'étais pas bien avec nous? Non, si, c'est très bien, mais quand Dry est là, c'est toujours mieux. Ah. Joli slogan, quand Dry est là, c'est toujours mieux. C'est cool ça. Ça va, Dry? Ça va et toi, Fred? Eh ben écoute, en pleine forme, ça fait plaisir de te voir aussi. Ah, c'est toujours un plaisir de te voir. Tu le sais. Tu pour le sais, cette mix party. Ouais, ouais. 2015. Ouais, DJ Hamida. Toujours ça, là. Hein. C'est ça. Hein. Bon, et toi alors, qu'est-ce qui se passe, Dry? Ça bosse un petit peu en ce moment? Ouais, cool. Ouais. Non, ouais, ça bosse un petit peu. L'album, c'est pas tout de suite, donc. Je prends un peu mon temps, quoi. Après, j'ai l'occasion de faire des feats, voilà, par exemple pour Hamida, pour d'autres gens. Donc, je travaille, comme d'habitude. Très bien. Bon, Gagne. Tout va bien? Ouais, ouais, tout va bien. Les vacances bientôt, un peu de repos, même pas? Je sais pas, c'est peut-être dans ces moments-là, justement, faut en profiter pour bosser. Ouais. Donc, je sais pas, on verra. Bon, bah, bienvenue en tout cas dans ce Planète Rap aussi. Merci. On va pouvoir découvrir. Continuons, c'est le tour de table, puisque regarde, on parle de ce. Parce que c'est ce que je disais en début de semaine, Mix Party, c'est des gens confirmés. Et des gens qui sont que présents. Je découvre, les talents que je découvre. Il y a Sultan, il y a Dry, et puis des nouveaux talents, il y a Mani. Mani aussi, et j'en ai découvert un qui est assis à la même place dans une vidéo. Un petit gars de l'équipe du Watibé aussi. C'est ça. Je me suis incrusté sur la table. C'est à la même place, c'est à la même place où Monsieur j'ai vu ça. Ouais, ça va tout le monde, quoi. Ah, toi, tu l'as découvert là dans le studio ici? Ouais. Moi, j'ai découvert dans le studio ici, dans une vidéo, donc. C'est vrai, quoi, c'est lourd, hein, Planète Rap, de mettre des vidéos, c'est bien. Hein. Mettez des petits talents comme ça, franchement, big up. Bah, quand Momo est bon là. Et voilà, j'ai découvert Momo. Momo, fais-nous un gros plan sur BY, tiens, pour les vidéos, c'est skyrock.fm ou l'application. Comment ça va, BY? Ça va bien, toi, Fred? En pleine forme? La forme, ça va. Pareil, content de participer à ces genres de projets, ouais, comme ceux fait, de. Ça fait super plaisir, là. C'est un bon projet, il y a beaucoup de monde. Il y a des gros morceaux. Des gros morceaux, voilà. Des très gros bien morceaux. Bien travaillé, franchement, c'est cool. Une trentaine de morceaux, on l'a dit, hein. C'est ça. C'est cool, c'est bien complet. Bien mixé. Et bien mixé aussi. Ouais, c'est important de le préciser parce que c'est des morceaux. Évidemment, c'est pas une mix party. Donc, si tu écoutes le CD que c'est pas mixé, c'est un peu con. Mais, mais c'est aussi tout un travail de mix. Ouais. Ouais, c'est 10-15 jours enfermé à Mont-Soleil-Mines, tu vois. Mais voilà. Et c'est quoi? C'est même sur le mix, c'est voilà, se dire ce morceau, tiens, en fait, non, peut-être que l'autre colle en mieux. En fait, c'est par rapport au BPM et à la tonalité du morceau. Je travaille comme ça, je travaille à l'oreille. Quand t'enchaînes deux morceaux au même BPM, c'est bien, mais c'est encore mieux si t'as la même tonalité. Entre le morceau précédent. Donc, ça, ouais, c'est vraiment le travail de recherche là-dessus que tu fais, toi, voilà. Sur les mix parties. C'est ça. Vous pouvez le découvrir, il est sorti depuis lundi. On va revenir aussi dans un instant avec des extraits. Il y aura du live, on disait Hamida. Ouais. Et le nouveau son de The Weeknd. Je sais pas si t'as écouté le nouveau son de The Weeknd. Non, pas encore. Terrible. Gros son de The Weeknd. Il y a un album qui se prépare. Certains l'ont découvert aussi récemment avec la bande-son du film 50 nuances degrés. The Weeknd, I Can Feel My Face. C'est le nouveau morceau maintenant, The Weeknd, à découvrir sur Skyrock. L'émission rap de référence. Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. C'est Planète Rap. En direct avec Fred sur Skyrock. Planet Rap. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit DJ Hamida pendant une heure complète ce soir. Planète Rap. Planète Rap. DJ Hamida. DJ Hamida avec nous entre 20 et 21 et le projet Mix Party avec du monde ce soir, Hamida. Hein. Ah, tu es bloqué avec ton fil, ton câble. Hamida, tu es là? Ouais, tu m'entends? Ouais, c'est bon, je t'entends. Ok, nickel. Tu veux présenter un petit peu aussi ceux qui sont arrivés, Hamida? Donc, qui vient d'arriver? DRY, la famille de Bruxelles, Red Cross. Eh oui. J'ai vu un clip à eux, j'étais choqué. Un pote à moi, il les connaissait. Mais ils sont présents sur le projet, justement. Parce que le truc, c'est que j'ai une grosse communauté qui m'écoute et qui me suit sur la Belgique. En Belgique, ouais. Et donc, il fallait qu'ils aient un peu leur hymne à eux aussi. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé Wati Bruxelles. Parce qu'ils sont affiliés au Watibé. Voilà, c'est ça. avec une partie de Red Cross qui est là. Voilà. Non, tout le monde est... Ah bah non, tout le monde est là. C'est vrai qu'en même temps, après, comme on est beaucoup sur les micros, ça va être tendu. Bonjour Fred. Ça va bien ? Tout ça, ouais, ça va, tranquille. En forme la Belgique, quelles sont les nouvelles de Bruxelles ? À l'aise, vieux. C'est chaud, l'été arrive, mon ami. Tout va bien, donc vous êtes présent sur le projet aussi, on vous écoutera en live dans quelques minutes. On écoutera les morceaux. C'est ça. On continue un petit peu le... Non. Donc qui c'est qui vient d'arriver encore? Non, c'est bon, on va surtout continuer en live dans un instant. Ok, vas-y, pas de... Mais juste avant, il y a Gio par téléphone de Colombes. Salut Gio. Salut, ça va? Ça va bien et toi? Ouais, tranquille. Est-ce que tu es prêt à faire le freestyle par téléphone, Gio? Ouais. Eh ben on t'écoute, c'est parti. Session freestyle par téléphone et après, gros live en prévision avec des extraits de Mix Party 2015, DJ Amida au contrôle. Zéro sur l'échec, et sur les bulletins, façon le cas, ça tire que 4 ans. Des gros canards, j'en connais plus d'un, ils sont utilisés devant des gros seins. Dans notre langage, on est grossier, trop vulgaire sur nos gosiers. Les keufs veulent nous péter, 2-3 photos, ils te montent un dossier. Trop de michetons, tu peux pas te poser, ces putains ne pensent qu'au billet. Je leur rends service, ils l'ont oublié, pas besoin d'eux pour avancer. Je suis lancé, personne va me freiner, ma concu est déjà gay là. J'ai le cœur qui palpite, derrière moi y'a des gyrophares. Que des lâches, que des bâtards, dans ton dos ça rêve d'être méfus. Sache que moi, on ne m'achète pas, pourtant certains m'ont déjà vendu. Moi j'ai pas trahi, j'ai pas changé de team. Dans les poches, même pas un centime. Obligé de faire des bails panais, je bois 2-3 verres pour changer de planète. Allume-toi, sur des planètes, profite de la vie avant de laisser. Plus d'amour, les roses fanées, aujourd'hui sexe les a remplacés. Il manque de sous, t'as contaminé. Illégal devient l'antidote, m'en bats les couilles de ton avis. De ma vie, c'est moi le seul pilote. Pas de bracelet, une paire de menottes avec la mégane. Quand j'ai la cote, mes potos, c'est comme des cheveux. Si tu me touches direct, tu t'en mêles. L'amour, ça t'a rendu faible, beaucoup font du mal pour une semaine. Dans vos oreilles, je vais laisser des marques. Je fais pas le mouton, il faut que je démarque. Ok, Gio, à l'instant, de Colombes en freestyle par téléphone. Merci à toi, Gio. Est-ce qu'on peut t'écouter peut-être un peu mieux? Parce que là, c'était un peu étouffé, le son du téléphone. Est-ce que t'as une adresse internet? Bah, c'est Gio Freestyle. J'en ai fait qu'un ou deux. Ouais, j'en ai fait deux. C'est Gio Freestyle. D'accord. Gio avec deux O, Freestyle. Gio Freestyle, très bien. Bah, on ira suivre et on attend le troisième. Jamais 203. Merci à toi, Gio, à l'instant, sur Skyrock. Amida, je te laisse reprendre le contrôle. Donc, on commence par quoi? On commence par Red Cross. Red Cross? Ouais. On commence par... Et on attaque le live direct ? On attaque le live direct. Ah ok, bah messieurs direct, Red Cross, attends. On va quand même laisser s'installer aussi. Pas de problème. Est-ce que vous êtes prêts, Red Cross ? Bien sûr, toujours, tu nous connais. Hein. DJ Amida au contrôle, on y va. Mix Party 2015, c'est parti pour une grosse session live. Yeah. Yeah. DJ Amida, attention. What you pay? Red Cross. DJ Amida, Rizwan, on est là. Red Cross, DJ Amida, c'est official. Ne me dis pas pour une chicha, tu t'es ficha. Zarbi, ce soir on s'ambiance. Je veux voir tout le monde bouger et faire le même pas de danse. Loin de Bruxelles, loin de ma ville. Depuis que je suis dans le Wadibé, je sais que je te fascine. Owen, Doukou et son frère comme dans un film. Soir ce, ça tombe bien, j'ai le billet facile. Oh nice. Toute l'équipe est posée dans le carré VIP. Oh nice. Si tu erres dans la te bois, t'inquiète pas, je t'invite. Oui, je pars ce soir. Oui, il faut que je m'évade sans perdre la tête. Mise roue, viens balai. Ce soir, ça se fait. Continue mou, viens balai. Oublie tes dettes. Oh, nice. What you be? Yeah. Oh, oh, nice. What you be? Yeah. Oh, oh, nice. What you be? Yeah. Oh, oh, nice. Tout le monde est là ce soir. L'ambiance est bien trop tard pour s'asseoir. Y'a des meufs branchées, des mecs classe, des lascars. J'ai pas le temps de me prendre la tête, je te laisse faire ta star. Je suis encore entouré de monde comme un kamikaze. Fais de la place si t'es stressé quand les califs passent. Y'a du réalisme passe, le fric précis, je place le kiff. On est dans les temps, tu connais jamais, je remplace l'équipe. Claque ton pif, fais pas ton économe. Pas tant pour les meufs qui pensent qu'à parler comme des bonhommes. Hamida au platine, Red Cross en caisse. Si la concurrence patine, c'est pour ton panneau. Et je pars ce soir. Faire la fête, oui il faut que je m'évade sans perdre la tête. Lise move, viens balai. Ce soir ça se fait. Continue move, viens balai. Oublie tes dettes. Oh nice. What you DJ Hamida. Oh nice. C'est le what you Oh nice. Donc ouais. Oh deux. La famille dans les studios. C'est Western, j'suis paré pour sortir avec ma paire de Western, j'suis bien sapé ta tête au pied sur le take à Bronson. Oui, t'entendra parler de la soirée jusqu'à Washington. J'ai difficile et minette, what's it, c'est l'usine. Plus moi je vois Mélanie, coiffé comme Fela réunis. Ah, ce soir les choses se passent. Venez avec toute l'équipe, même si c'est en monospace. C'est Red Card, c'est DJ Hamida. Tu chanteras même si tu te fais opérer des amygdales. Red Card, DJ Hamida. Oui, je pars ce soir. Ah ouais. Faire la fête. Oui, il faut que je m'évade. Sans perdre la tête. Mais il faut que balai. Ce soir ça se fait. Continue les moves. Show la famille. À ma santé. DJ Hamida. Mix party. J'ai campé, Titora, je te décampé. Je suis pas passé par la porte d'entrée. Puis la naissance, je suis fin prêt. À ma santé, salut salut les poils le rosé. À ma santé, deux trois pas les gosses ont pleuvé. À ma santé, yeah, DJ Hamida, mix party. Pense au loutre. Si tu veux 5 à ma santé, si tu veux 5 à ma santé, si tu veux 5 à ma santé, si tu veux 5 à ma santé, yeah, yeah. Paris les soucis ça va pas nous manquer. Mais je me tire d'ici une fois que j'ai banqué. Loin d'elle pour vouloir se planquer. Sans être sous alcool tu peux vouloir trinquer. J'en ai marre d'être trinqué, piquez pas mes cinquiers. Quand je suis dans le club pas loin y'a mes cinquiers. Faut que je fasse des choses et plus temps de tenter. Y'a trop de rats, faut que je rapporte entier. Pour atteindre mon but j'ai campé. Dis d'orage de décamper. J'suis pas passé par la porte d'entrée. Puis la naissance je suis fin prêt. À ma santé, à ma santé. C'est les jaloux les fois le revêt. À ma santé, à ma santé, deux, trois pas, les gosses ont bluffé. À ma santé, yeah. Ok, ok, Skyrock. Okay. Si tu veux 5 à ma santé, si tu veux 5 à ma santé, si tu veux 5 à ma santé, mix si party. Tu veux 5 à ma santé, si tu veux 5 à ma santé, j'arrive bien. J'oublie tout, on peut pas me la faire. J'oublie les soucis, faut que je me vide la tête. On est une bouffée d'air, il faut que je fasse la fête. Ici, je me sens mal, j'ai plus rien à perdre. Faut que je me barre, me poser au soleil. J'oublie tout, je jette toutes mes affaires. S'il le faut, je pars en charter. Si tu me suis, à ta santé. Si je vais pas tarder à me planquer. Tous les jaloux n'ont qu'à parler. J'ai plus la force de sympathiser. Faut que je me barre avant d'exploser. Qu'est-ce que je m'en fous de ta vie. C'est une maladie, ils veulent pas me voir avancer. Pourquoi regarder les autres si vous êtes des nôtres. Souhaitez-nous la santé. Pour atteindre mon but j'ai campé. Dit orage de décamper. J'suis pas passé par la porte d'entrée. Puis la naissance, je suis fin prêt. À ma santé, à ma santé. Seuls les jaloux, les fois le revêt. À ma santé, à ma santé. Deux, trois pas, les gosses ont bluffé. Les filles c'est yeah. Les mecs c'est si t'es de notre lève ton verre. Tout le monde lève les bras en l'air. Si t'es de notre lève ton verre. Tout le monde lève les bras en l'air. Si t'es de notre lève ton verre. Pour atteindre mon but j'ai campé. Dit orage de décamper. J'suis pas passé par la porte d'entrée. Puis la naissance, je suis fin prêt. À ma santé, à ma santé. Seuls les jaloux, les fois le revêt. À ma santé, à ma santé. Deux, trois pas, les gosses ont bluffé. À ma santé. Si tu veux 5 à ma santé. Si tu veux 5 à ma santé. Si tu veux 5 à ma santé. Si tu veux 5 à ma santé. Si tu veux 5 à ma santé. Si tu veux 5 à ma santé. Si tu veux 5 à ma santé. Si tu veux 5 à ma santé. DJ Hamida, yo, what's up? C'est Anna. Retour au bled, on est tout jit. Lias de billets, on est tout jit. On est refait, on est tout jit. On est tout jit. Lias de billets, on est tout jit. On est tout jit. On est refait. Je suis tout jdid, toute neuve sur les baskets. Tu voulais connaître ma vie, donc bienvenue en backstage. Moi je fais pas dans la frime, mais on aime les belles choses. choses et oui ça je te l'affirme. On a coffré toute l'année donc on va tout dépenser. Le retour à la réalité j'ose même pas y penser. Il me faut du soleil, la zik et mes potes. Faut que je me barre au Maghreb ou dans le sud sur la côte. Je suis touche dite, je m'envole en première classe. Je suis une panthère noire au milieu des lions d'Atlas. Après une année de charbon, les vacances je vais les fumer. Les peu ça sont dites, mon compte en banque est déplumé. On quitte la tête, on profite de l'été. On voit une boisson fraîche, je suis prête à m'endetter. Double parenthèse, j'arrive dans le game, touche dite 40 ans d'avance et je repars en charentaise. On est touche dite, il y a des billets, on est touche dite. On est relevé, on est touche dite. On est touche dite. Hey, on est touche dite, on est touche dite. On est relevé, on est touche dite, on est touche dite. Je veux plus rentrer, ça y est, je suis dans mon délire. Si être heureuse est un délit, je veux pas qu'on me délivre. Je suis touche dite et ça dans tous les aspects. Nouvelle panoplie, lunettes, chapeau et casquette. On veut brasser dans le bonheur jusqu'à s'y noyer. Les gros gamos passent, les chiennes vont t'aboyer. Mon équipe est dite et la tienne aussi. Le soleil frappe et les filles prennent pour calessie. Faut pas prendre la tête, ce soir c'est la fiesta. Sur le dance floor, crois-moi, je suis intestable. Préviens tes rap, Roya qui dite. Tu veux faire un tube, viens par là que je t'explique. DJ Hamida, fais péter la compile. Je profite de l'été, j'espère que tu l'as compris. La magie opère et j'ai du mal à me réveiller. Abuse pas de l'alcool car tu commences à bégayer. On est touche dite, y'a ce billets, on est touche dite. On est refait, on est touche dite. On est touche dite, y'a ce billets. On est touche dite, on est touche dite. On est refait, on est touche dite, on est touche dite. Elle est touche dite, maman mani, il est touche dite. Il est touche dite. On récolte ce que l'on sème, j'ai ramassé assez de blé. J'crois que c'est l'heure de se barrer au de blé. Profiter sur la corniche, chute à mon accord, oh oui tu peux jouer les gros riches. Même si c'est la hesse en France, dis-moi qu'il dira. Je suis pauvre en euros mais millionnaire en dirham. Moi c'est mani, je suis pas Tony ni Elvira. Ils m'attendent au tournant, faut que je négocie mes virages. Je compte sur personne d'embarrasser. Faut que les jaloux, faut que les racistes. Lion de l'Atlas, mec Nessé, Bosnéka, je renie pas mes racines. On est tous dit. On est tous dit, yo. Mix party 2015, on est à l'ou quoi. DJ Hamida, Mani, Siana. What's up? On est tous dit. Retour au bled, on est tous dit. Y'a ce billet, on est tous dit. On est refait, on est tous dit. On est tous dit. DJ Hamida. On est tous dit. On est tous dit. On est refait. Mani, Siana. A la bien, mix party. Ça va vite. DJ Hamida. DJ Hamida. À la bien mix party. BY Paris. What? YGB. Y'a du soleil, j'vais tout plaquer, ça y est. J'veux me reposer, j'en ai marre de bailler. J'vois mes refs enfermés dans une allée. Mon sang c'est de la frappe comme tout ce que t'aimes inhaler. J'me barre d'ici, direction la playa. Maroc, Algérie, Tunisie et même Pattaya. Un collègue me dit qu'il a pété les plans. Qu'un pétard est passé devant lui et lui a tapé dans l'œil. Dans l'œil. Il me dit qu'elle est passée au ralenti. Qu'elle lui a tapé dans l'œil. Dans l'œil. Que pour une fois les rumeurs n'ont pas menti. Je lui dis faut pas que t'hésites. Soit tu l'invites, soit tu l'évites. Mes potos me prend pas la tête. Me prend surtout pas la tête. Parce que l'été ça va vite. L'été ça va vite. Fais péter le son amigo. Faut baisser la vite. J'ai dit l'été ça va vite. L'été ça va vite. Fais péter le son amigo. Faut baisser la vite. Vite, vite, vite. La capitale, pas tes oreilles. Il te reste 2 semaines pour t'idée. Les forces de l'ordre t'ont oublié. Les pieds dans le sable, fais pas l'opprimé. Fais pas l'opprimé. Péris, dédicace à ton beau frère, c'est le Watibé. On est ensemble. La jolie femme t'a pas bâché. Il faut les tenter. Péris, c'est une exclue sur Skyrock. Le son en entier. Habillé par mes sévidons. Elle défile dans nos têtes, t'as fait rien que t'as dit que qu'il dort. Il lui a tapé dans l'œil. Yeah. Dans l'œil. Il me dit qu'elle est passée au ralenti. Qu'elle lui a tapé dans l'œil. Dans l'œil. Que pour une fois les rumeurs n'ont pas menti. Je lui dis faut pas que t'hésites. Toi tu l'invites, toi tu l'évites. Mes potos me prend pas la tête. Me prend surtout pas la tête. Parce que l'été ça va vite. L'été ça va vite. Fais péter le son amigo. Faut baisser la vite. J'ai dit l'été ça va vite. Yeah, yeah. L'été ça va vite. Ameda. C'est parti. Yeah, Ameda. Charlie Ben, yeah. Arrête de faire style, que j'ai le style que t'aimes pas. Rien de style si nos cœurs se connaissent pas. Si t'essayes pas, c'est peut-être qu'on n'a pas vraiment de point commun. À trop se chercher, j'ai peur qu'on en vienne aux mains. Ouais, gros, fais pas l'issue, calcule pas. L'addition de notre histoire ne sera qu'un cul-sac. Dans mon ghetto, moi je suis toujours opérationnel, mais prêt à tout lâcher. 9-4, 9-4, 9-4. Je vois que tu veux me rendre fou, ne fais pas ça. Non, non. Et quand tu me vois bien après, c'est bon que tu me vois. J'ai l'impression que tu t'en fous et j'aime pas ça. Ah ouais? Mais que veux-tu dire, je suis comme ça. Oh oui. J'ai capté tout ton sens. T'as kiffé, gâche tes cris. Arrête de ton bleu. Let's party. Je sais, t'as envie. Envie. On cherche, on se défie. Oh oui. Si tu me trouves à ton goût, vas-y. 9-4. Ça pointe, c'est tout. Oui, je sais, t'as envie. On cherche, on se défie. T'es un grec, Charlie Bell. Vas-y, fais ça. Et là, tu me quittes. À chaque fois qu'on se croise, je te vois. Mais t'es bien trop fier. Non, mais je te fais non, peur, je ne sais pas. Non, non. Ça peut durer longtemps. Mais je ne serai pas avant. On n'est plus des enfants. Si tu veux m'avoir, viens me voir. Oh ouais. Attends, tu veux me rendre jalouse, ne fais pas ça. Si moi je cause à ta copine, c'est pour que tu me vois. Tu vois bien que ça me chauffe, ne fais pas ça. Mais que veux-tu chercher, je suis comme ça. Oui, laisse tomber tes mains. J'ai capté tout ce qui te cause du temps. DJ Hamida. Oui, je sais. On cherche, on se défie. Si tu trouves à ton goût, vas-y, fonce un point, c'est tout. Oui, je sais, t'as envie, envie. T'as pas envie, Braille, là. On cherche, on se défie, oh oui. Si tu trouves à ton goût, vas-y, fonce un point, c'est tout. Je suis un Charlie. Pour être à toi, si tu veux. Tu pourras être mien, si tu veux. Je te l'ai dit, attrape-moi, si tu peux. Attrape-moi, tu vois si pas tu mon cœur hurle et te veut. Tu pourras être mien, si tu veux. Tu pourras être à moi, si tu veux. Je te l'ai dit, attrape-moi, si tu peux. Attrape-moi, tu si vois tu pas mon cœur hurle et te veut. Car y'en a pas de comme nous. Oh yeah, yeah, yeah. DJ Hamida. Oh yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Bah, yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Yeah. Mix Party 2015. Quel live, Dry. T'as vu ça un peu? Même sans kicker, je kick. Incroyable, hein? Tout seul et tout. Non, mais bon, c'est un texte que je ne contrôle pas vraiment. Non, c'est pas ça en fait. Il s'est réveillé il y a pas longtemps. On l'a forcé à venir. Ouais, on va dire ça. Non, je ne contrôle pas trop, sinon je l'aurais fait avec grand plaisir. Bah, en tout cas, bravo Charlie, hein, comme d'hab. Au top, que ce Merci. Soit avec Sultan, avec Dry. Bravo, bravo aussi, on va saluer Siana, on va saluer Mani qui était là, BY, Red Cross qui était là aussi en live dans l'émission, et Monsieur Sultan aussi, qui lui aussi était fort sur le live. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. J'étais juste derrière. Et ben bravo à vous tous, en tout cas, tout ça, c'est des extraits de Mix Party 2015 qu'on peut retrouver depuis lundi dans les bacs. Ceux qui n'ont pas encore, allez le chercher. Allez-y. Mon disque d'été. Chercher, c'est le projet de l'été. La frappe dedans. Partez pas en vacances ensemble. Voilà. Ouais. Le hashtag DJ Hamida sur Skyrock. Allez, on finit avec le Paname et puis on dit au revoir à tout le monde juste après. C'est parti. Okay. Yeah. DJ Hamida. Mix Party 2015. Depuis des mois ça parle sur moi. DJ Hamida, DJ Hamida. Sans me connaître tu parles de moi. Camo. Je vois ces gens sauter devant moi. Danser dans le noir sur un son à moi. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname, on est sur Paname. On est sur Paname. J'suis refait, j'vois les plus belles women. Mon cœur qui s'emballe, des bois, des chichas remplis de vandales. Je joue le blindé, ennemi à côté, gamos de taré. Bienvenue sur Paname, on détourne ta femme sans état d'âme. On est sur Paname. Si t'as pas dosé, c'est un scandale. Ici c'est normal, de claquer ça paye dans des Jordan. De la tête aux pieds, les gars sont soignés, rasés, contournés. Welcome to Paname. Pas de mesdemoiselles, que des mesdames. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. on est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. La ville où la folie se pavane, même la capitale te dira que la banlieue fait son charme. Si tu te fais caler, ne sois pas fâché, y'a d'autres soirées. Bienvenue sur Paname, là où les vidanges jouent les vandames. On est sur Paname, la différence est notre plus belle âme. S'il y a du vacarme, c'est que j'envoie de la musique en rafale. Ils me détestaient, je les ai ambiancés, ils m'ont validé. Viens donc sur Paname, où la colle c'est de l'eau man. On est sur Paname. On est sur Skyrock. On est sur Paname. On est sur Skyrock. On est sur Paname. On est sur Skyrock. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname à l'instant. DJ Amida et Camro sur Skyrock. Après cette grosse soirée encore, on va saluer une fois de plus ceux qui étaient là au micro. C'est ça. Merci à Sienna, merci à Manny, merci à BY, merci à Charlie Bell, à Dry qui était là. Red Cross aussi qui sont là, qui sont venus exprès de Bruxelles pour DJ Amida Mix Party. C'est bon, j'ai oublié personne ? Non. Je crois pas. Le compte est bon. Le compte est bon. Mmh. Amida, tu voulais filer des noms aussi de gagnants, hein, ceux qui repartent avec des t-shirts. Parce qu'en fait, étant donné qu'on a reçu beaucoup de gens qui ont envoyé les photos et sur mes réseaux sociaux, on a géré une adresse mail djhamidamixparty2015@gmail.com. Donc envoyez vos photos ici. Donc les gagnants de lundi, c'est Narmiman de Cholet. Ayoub, le gagnant de mardi, c'est Safa. Cholet. Ouais. Mardi, c'est Safa de Clichy-sous-Bois qui a gagné et Cathy du 7-7. Et mercredi, aujourd'hui, c'est Samy de Meximieux dans l'Ain et Mouna de Beaucourt. Donc c'est quoi cette t-shirt à choper? Ouais, on offre des t-shirts. En fait, soit t'envoies ta tête avec le CD, soit la capture iTunes et avec un mot d'où tu viens et voilà. Et vous l'envoyez à quelle adresse? Alors rappelle l'adresse pour envoyer. DJ Hamida Mixparty 2015@gmail.com. Et bah bon, bombardez de messages, prenez-vous en photo avec soit la capture écran, c'est ça, soit l'album si vous voulez récupérer en support physique de Mixparty, voilà. 2015. Et juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. Voilà. Skyrock t'offre le nouvel album de Youssoupha. Plus 50 euros de chèque cadeau. On vous met bien, non? Salut Lorraine de Lorénon. Bonsoir. Ça va, tout est bien, tout est synchro, toi. Lorraine de Lorénon. C'est mignon, oui, comme voilà. Tout. Bah, bienvenue. Ça va, en pleine forme? Oui, ça va, ça va. Est-ce que tu es prête à faire tourner la roulette? Bon, déjà, je te présente DJ Amida qui est là avec nous. Hein. Salut. Bonsoir. Dans son planète rap pour Mix Party 2015. Comment? Ça va, tu vas bien? Oui, ça va, ça va. Bah, t'es venu pour gratter la roulette? Ouais, bah, va gratter la roulette. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. La roulette tourne. Ah. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case. Lorraine? Oui. L'album de Youssoupha Négritude qui arrive à la maison et 50 euros en chèque cadeau. On t'envoie ça aussi du côté de Lorénan en Bretagne. Ah, super, merci. Et ben, je te fais des bisous, passe une bonne soirée. Merci à vous aussi. Petit message, petite dédicace. Dédicace à ma team, Amandine et Morgane. Et ben, bisous à toute la team. Ciao Lorraine. Bisous. Ciao, passe une bonne soirée. Merci à Amida, merci. Bah, tu vois, on va saluer ceux qui restent aussi dans le coin. Merci BY d'être passé. Ciao Fredo, à la prochaine. La prochaine, c'est quand pour toi? Alors, qu'est-ce qui se passe, BY? Ça arrive bientôt? Ouais. Je promets un extrait, au moins un extrait, parce que je sais que tu bosses, mais au moins un extrait. Il y aura bientôt un extrait. J'attends le feu vert du Wati Boss, tu connais Dawa. On est plein, donc j'attends mon tour, mais quand ça viendra, ça. Tu veux passer un petit coup de fil? Vas-y, vas-y, pistonne-moi, Fred. Avec le sec d'avril. Non, bientôt, bientôt, il y aura de la nouveauté. Eh ben merci, BY. Siana, à toi, on disait, il y a une date là qui arrive cette semaine. Ouais. Déjà demain, je chante Nike à la soirée Nike avec Dinos et McTyre et Dossé. Et voilà, après ça continue, j'enchaîne les festivals, les concerts, etc. Sopra aussi en première partie, il reste une première partie à Maubeuge, ouais, en mois de juin. Mais voilà, j'ai toujours hâte d'être sur scène. Et puis on rappelle qu'il y a le EP de Siana qui est dispo. Toujours disponible. Allez cliquer, allez vous procurer. Et tous les artistes qui étaient présents, vous les retrouvez aussi sur Mix Party 2015 de DJ Amida. Voilà, yes, c'est Amida numéro 1. Merci à vous tous. Amida, petit dernière dédicace, petit dernier dédicace message. Dédicace à Siku MC qui me coûte en live de Miami. Il vient de m'envoyer un WhatsApp. Bah, ça va, il est bien. Il est là-bas. Et bon, salut Siku. Donc, Six, d'ailleurs. Six, si tu m'entends, big up à toi. Big up à ma grande sœur, mes neveux, mes nièces qui m'écoutent. Donc voilà, big up à vous. Donc voilà. Et Rancard demain, qu'est-ce qui se passe dans l'émission? Demain aussi, il y aura du live. Demain aussi, il y aura du live, des grosses surprises. Donc voilà. À pas louper, c'est demain entre 20 et 21. Et là, on va retrouver D-Fool maintenant. Et oui. Et toute l'équipe pour la Radio Libre. Et ouais. 20h50, on est prêt pour démarrer la soirée. Salut Amida, salut tout le monde. Salut tout le monde. Bon, l'album à découvrir demain, c'est le rendez-vous à 20h à pas louper. C'est bien t'ambiance là. On a déjà l'impression d'être en vacances. Un peu. C'est ça, on danse en fait dans la voiture. Ouais, là, ça fait plaisir. Enfin, moi. Surtout danse. Moi assise. Surtout Marie. Ah bah ça va, Marie. Si, cette ambiance, c'est le principal. Ouais, je m'ambiance. Oh, bah, Marie, pour s'ambiancer, c'est pas la dernière. Ouais, Fredo, attention. Wesh, Lonski. N'en dis pas trop, Fredo. Bon, nous aussi, on va s'ambiancer. C'est parti pour la Radio Libre. Au 01 53 40 30 20. Vous avez reconnu le son derrière? Ouais. Si, c'est Jul. Je tourne en rond. On va démarrer avec Jul et puis on vous attend avec toute l'équipe au 01 53 40 30 20. Et maintenant, vous pouvez nous appeler si vous avez un truc à dire. Si t'as un truc à nous dire, Amida, n'hésite pas. Un coup de gueule à pousser. Tout va bien. Tout s'est bien passé avec Fred. D'accord, il est gentil. T'as le même problème que lui. Ah, il est gentil, merci. Bon. Hier, on l'a choqué, mais ça va. Il est bien brave. Il est bien brave. Plus brave que jamais. Demain, Fredo, 20h, 21h. Voilà, pas mal. À pas louper. Et DJ Amida, surtout, à ne pas louper aussi entre 20 et 21. On sera là demain. Puis donc, pour la Radio Libre, je vous le disais, c'est parti. Vos messages sur le 41-759, l'appli Skyrock pour nous laisser tout ça. Et puis ce soir, on a une rencontre qui va se passer en direct entre Ça va être chaud là. Pamela et Patrick. Logiquement, Patrick doit venir à la radio ce soir. Il n'était pas passé déjà l'autre fois? Non, c'est pas le même. Ah, c'est pas le même. Non, c'était le peintre l'autre. Ah oui, c'est vrai. On l'avait foiré. Par contre, ce soir, j'espère qu'on va le réussir. On croise les doigts. Ah là, c'est un grand mec apparemment. Oui. Il est balèze. Oui, un mec de 90 qui vient voir Pamela, pardon. Oui, voilà. Oui, Pamela. Dans un instant, à pas louper. T'as amené des vêtements, Marie, pour le travail? Ouais, on a tout. Bah, sécuriser quand même Pamela, on sait jamais. Vêtements, maquillage. On va la protéger, ouais. Elle est un peu frêle quand même. Ouais, tu m'étonnes. Si vous dites que le gars est costaud. Oui, il fait 1m92, 90 kilos. Ouais, je crois, voilà, c'est ça, ouais. Roman, Pamela, pardon, excusez-moi, j'arrête pas de me tromper. Je sais pas pourquoi tu dis ça d'ailleurs. Depuis le début d'émission, c'est dingue. Parce qu'ils se ressemblent pas, d'ailleurs. Non, du tout. 1m54 et puis, bah, 60 kilos, facile. Bon, on y revient tout de suite. On en reparle avec vous et puis on vous retrouve en direct si vous avez un truc à dire. Profitez-en, on se fait Jul pour démarrer la soirée. Et je tourne en rond, c'est Radio Libre et c'est parti jusqu'à minuit. Ciao Fredo, ciao. Ciao. À demain. Ciao. Total respect.